se pende por esse mundo onde livra de poema. La législation française interdit le suicide. Toute personne lucide s'autorisant le droit d'écourter ses jours doit attendre de nous le reste.